السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Le sujet de la conférence, comme ça a été annoncé, est Alamul Jin, le monde des djinns. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alif Lam Mim, au début de Surat Al-Baqarah, voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Huda lil muttaqin, une guidée pour les gens pieux. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne les caractéristiques des gens pieux. Et la première est alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui ont foi aux choses de l'invisible. Et parmi les choses de l'invisible, il y a Alamul Jin. Et là est, et sur cela porte notre sujet. Le croyant, par définition, a foi en tout ce en quoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a informé dans son noble livre Al-Qur'an Al-Karim. A foi en tout ce en quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a informé dans sa noble sunna. Le monde des djinns est donc une vérité, une réalité qui nous a été mentionnée dans la révélation. Ils vivent auprès de nous, ils sont autour de nous, ils mangent, ils se reproduisent, ils sont des créatures qui n'ont aucun droit dans la seigneurie, aucun droit à être adoré. Ils sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme nous le sommes. Et ils ont été créés pour l'adoration d'Allah azza wa jal, tout comme nous l'avons été. Ils peuvent entrer chez nous. Ils peuvent nous nuire. Et rien n'a lieu dans le royaume d'Allah azza wa jal, si ce n'est avec sa permission et suite à son décret. Voyons des points nous montrant l'importance de l'étude de ce sujet. Le premier, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran. Et si c'est mentionné dans le Coran, c'est que ça a une grande importance. C'est également mentionné dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et si le prophète alayhi salatu wassalam a pris soin de nous le mentionner, même de nous le détailler, c'est que cela a la plus grande importance. Les versets mentionnant les djinns ou les shayatins ou shaytan ou iblis sont extrêmement nombreux. Quant au terme iblis, il a été mentionné à 11 reprises dans le Coran, dans 11 versets différents du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au terme shaytan, ou au pluriel shayatin, cela a été mentionné 88 fois dans le Coran. Cela nous indique donc l'importance de ce sujet. Deuxièmement, parmi eux, parmi les djinns, il y a des croyants. Et vous connaissez tous le lien qu'il y a entre les croyants. Ils ont donc des droits. Ainsi, on étudie ce sujet afin de connaître leurs droits sur nous et pouvoir nous en acquitter. Parmi eux, certains nous veulent le mal. Ils peuvent nous nuire. Ils peuvent nous égarer, nous désorienter. En étudiant ce sujet, tu auras connaissance de leur stratagème, tu auras connaissance de leur méthodologie, tu auras connaissance, et cette connaissance te permettra de t'en prémunir. Au préalable, de t'en défendre le cas étant, et de t'en délivrer si le mal a déjà eu lieu. Et tout cela passe par la connaissance. Et est-ce qu'en lisant le Coran, tu as trouvé une histoire qui précède l'histoire du père de l'humanité, Adam, alayhi salam, avec Iblis? Est-ce que dans le Coran, tu ne trouves pas que cette histoire se répète dans différents versets, dans différentes sourates du Coran? Tout cela te montre l'importance de l'étude de ce sujet. Les savants nous disent même qu'en méditant le Coran, tu trouves qu'on te mentionne cet ennemi, Shaytan, Iblis. On t'apprend que c'est l'ennemi de ton père Adam, le père de l'humanité, et Hawa. Puis, on te raconte chacune des histoires des prophètes avec leur peuple. On te mentionne le halal et le haram. On te mentionne la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et son droit sur toi. On te mentionne comment l'adorer. Le fiqh. On te mentionne ce que tu as gagné si tu lui obéis, le paradis. Et ce que tu as à redouter si tu lui désobéis, l'enfer. Et lorsque tu finis la lecture du Coran, où est-ce que tu arrives? Lorsque tu finis la lecture du Coran, où est-ce que tu arrives? قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ. Tu cherches refuge, protection, préservation auprès d'Allah Azza wa Jal. Le Seigneur des gens, le Maître des gens, la divinité digne d'être adorée par l'ensemble des gens. Tout cela après avoir lu le Coran, tu arrives à la fin pour demander protection contre quoi, contre qui? Min sharri al-waswasil khannas. Min sharri al-waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. À la fin du Coran, après t'avoir mentionné que ton ennemi déclaré est l'ennemi de ton père, le père de l'humanité, Iblis, lorsque tu finis la lecture du Coran, tu as encore ce rappel, cet ennemi qui a pris l'engagement de tous nous faire entrer avec lui en enfer, de tous nous égarer, exception faite des serviteurs élus. Et la traduction de l'autre lecture, des serviteurs sincères. Voici l'importance de ce sujet. Le deuxième volet, ma ta'riful djinn. Après avoir eu l'importance de l'étude de ce sujet, voyons qui sont ces créatures, de quoi sont créées ces créatures et quelles en sont leurs caractéristiques. Filisan et l'Arabe, on trouve l'explication de l'étymologie et du sens de ce terme. On nous dit summu bidhalika listitarihim anil absar. El djinn, ils ont été appelés ainsi car ils sont cachés à la vue des gens. Et cette base, lorsque tu la trouves dans un terme en arabe, le djinn et le noun, et que c'est une base authentique dans le mot, il y aura cette notion de chose cachée à la vue des gens, de cette chose couverte. Et c'est pour cela qu'on appelle le fœtus qui est dans le ventre de la mère El-Janin. Et une des raisons pour laquelle on a appelé le paradis El-Jannah, c'est parce qu'il regorge d'arbres. Naam. Donc la personne qui aura l'honneur de s'y introduire par la grâce d'Allah Azza wa Jal sera comme ombragée par la multitude d'arbres. On l'a donc appelé El-Jannah. Et El-Jinn ont été appelés ainsi pour cette raison. C'est donc un monde parmi les mondes. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur des mondes. Le premier verset dans le Mus'haf. Les mondes, il y a le monde des humains. Il y a également le monde des djinns, le monde des animaux. Naam. Les djinns sont donc un monde à part parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal qui sont responsables. Ils ont été créés et ils sont responsables. C'est-à-dire qu'il y a des droits, il y a des devoirs. Ils sont sujets aux ordres, aux interdits, à l'obéissance, à la désobéissance. Il y a la rétribution, la récompense et la punition. Il y a le paradis et il y a l'enfer qui les concerne. De quoi ont-ils été créés? À partir du moment où on te dit que c'est un domaine du Ghaïb, tu ne peux te permettre d'affirmer une information, si ce n'est avec une preuve de la révélation. Ou la parole d'un compagnon. N'étant pas connu pour apporter de l'Israiliyat, disons des livres anciens, et que cette information n'ait pu provenir de sa simple interprétation. Si ces conditions sont réunies, l'information provenant de ce compagnon aura le jugement d'avoir été entendu du prophète alayhi salat wa salam de manière catégorique. Dans le domaine du raïb, tu ne sors pas de cela. Tu ne sors pas de cela. Donc pour pouvoir affirmer des choses, on devra se baser sur un verset du Coran, sur un hadith maqboul accepté, ou la parole d'un compagnon selon les conditions mentionnées tantôt. Allah subhanahu wa ta'ala dans suratul Hijr nous dit وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Dans sourate Ar-Rahman, وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ. Dans, où la traduction des sens de ces deux versets, et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu, d'une chaleur ardente. Donc les djinns ont été créés de quoi? D'un feu, d'une chaleur ardente. Dans Sourate Ar-Rahman, et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Min mariji min nar, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, nous dit, ay min tarafil lahab, wa huwa nar, وقال آخرون وهو نار لا دخان لها لا دخان لها. C'est un feu n'ayant pas de fumée. C'est un feu na'am qui n'a pas de fumée. On trouve également dans le recueil de l'imam Muslim la parole de Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لكم. Notre chère mère Aïcha radiallahu anha nous dit, les anges ont été créés de lumière. Les djinns ont été créés de feu. Et Adam a été créé de ce qui vous a été décrit. C'est-à-dire de boue malléable ou de terre. Nous avons donc l'obligation d'avoir foi en eux. Ça fait partie du iman. Ça fait partie de la croyance. Et en réalité, l'ensemble des musulmans, mais également des autres communautés parmi les gens du livre, ont reconnu leur existence. Et parmi autres que les gens du livre, ont reconnu leur existence. Exception faite de certains marginaux qui ont dit qu'en réalité, El-Djinn n'est que les mauvais sentiments habitant le cœur de l'homme. De même que les anges ne sont que les bons sentiments habitant le cœur de l'homme. Et ceci, bien évidemment, n'est qu'égarement et fausseté. Autre point, sachez que les djinns ont été créés avant nous. Sachez que les djinns ont précédé, la création des djinns a précédé la création de Adam alayhi salam et de sa descendance. Pour preuve, dans Sourate Al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Donc dans Sourate Al-Jin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: nous avons certes créé l'homme et plus loin il nous dit: et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Et quant au djinn, nous l'avions créé auparavant d'un feu d'une chaleur ardente. De ce verset, les savants ont tiré que la création des djinns a précédé la création des humains. On tire également cela de l'histoire de l'ordre d'Allah Azza wa Jal aux anges de se prosterner devant Adam. Ou plutôt l'information d'Allah Azza wa Jal donnée aux anges qu'il allait créer un être et qu'il allait lui donner des responsabilités. Qu'ont-ils dit à leur Seigneur? قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Leur réponse fut: vas-tu mettre sur celle-ci des gens qui vont semer le désordre et vont faire couler le sang alors que nous te sanctifions et nous proclamons ta pureté? Il dit: je sais ce que vous ne savez pas. Comment ont-ils pu porter ce jugement et estimer ses conséquences? Des savants ont dit: l'expérience qu'ils ont eue, qu'ils ont vue avec les djinns avant les hommes. L'expérience qu'ils ont eue et qu'ils ont tirée du comportement et des péchés commis par les djinns sur la terre avant les hommes. Donc de cela on s'inspire également pour dire qu'ils ont été créés avant les humains. Quant au fait de dire tant d'années, tant de millions d'années, tant, c'est une chose du raïb, on ne peut s'avancer sans preuve. C'est une chose de l'invisible, on ne peut s'avancer sans preuve. Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah, dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya, nous dit, beaucoup parmi les savants de l'exégèse du Coran ont dit, خُلِقَتِ الْجِنُّ قَبْلَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَكَانَ قَبْلَهُمْ فِي الْأَرْضِ. Les djinns ont été créés avant Adam. Ils étaient avant lui sur la terre. Et lorsqu'ils ont commis du désordre, on leur a infligé une punition. Et ils ont été évincés de la terre. Par la suite, les humains ont résidé sur celle-ci. Quant à la preuve de leur présence et de leur existence, les preuves sont très nombreuses. Il y a même dans le Coran une sourate ayant ce nom, Al-Jinn, comme vous le savez, dans Juz Tabarak. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans Sourate Al-Ahqaf, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِ, dit, il m'a été révélé, c'est-à-dire dit au messager d'Allah, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns m'écoutait. Ils ont écouté la révélation, ils ont écouté la lecture du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont embrassé l'islam. Et une personne pourrait se dire, mais c'est une chose connue l'existence des djinns. Il n'y a pas besoin d'apporter de preuves. En effet, c'est une chose connue, c'est une chose de l'invisible et la révélation est descendue à ce sujet. Afin qu'on augmente nos connaissances, afin qu'on ait la certitude et qu'on n'ait pas le droit de contredire ce credo, cette croyance. Deuxièmement, on mentionne quand même les preuves, car tu trouves des gens ayant des doutes, car le waswas existe, et car ceux qui ne sont pas d'accord avec cette croyance tentent de semer le trouble et le doute au sein des croyants dans leur croyance. Et quoi de plus solide, de plus ferme que d'avoir un verset, que d'avoir des versets, que d'avoir des ahadith pour renforcer ses connaissances et avoir une foi solide, telles les montagnes enracinées. Certains ont prétendu, par exemple, parmi les associateurs, certains ont prétendu que les djinns sont en réalité les âmes des étoiles. Certains ont prétendu que les djinns sont les âmes des étoiles, comme Ibn Taymiyyah l'a mentionné dans Majmou' al-Fatawa. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces gens-là et nous dit « بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْمِهِ » Ils ont démenti ceux qu'ils n'ont pas embrassé de leur science. Beaucoup mécroient lorsqu'ils ne cernent pas de leur science une chose. Mais le croyant, lui, par définition, il croit à partir du moment où Allah Azza wa Jal l'en informe. Il y a trois types de djinns. Comme le rapporte Tabarani, Al-Hakim et autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-jinnu thalathatu asnaf » Il y a trois types de djinns. Fasinfun yatiru fil hawa. Il y a une catégorie qui vole dans les airs. Wasinfun hayyatun wa kilab. Il y a une catégorie qui sont des serpents et des chiens. Wasinfun yahillun wa yad'anun. Vous reviendrez à une traduction. Le troisième volet de la conférence, ta'amuhum, li'annahum ya'akulun. Ils se nourrissent. Quelle est donc leur nourriture? Quelle sorte de nourriture mangent-ils et est-ce qu'ils boivent? Dans le recueil d'Imam Bukhari, Abu Huraira radiallahu anhu nous dit: que le prophète alayhi salatu wassalam lui a demandé de lui apporter des pierres afin qu'il se nettoie après avoir fait ses besoins, sallallahu alayhi wa sallam. Il a trouvé, ou plutôt il lui a dit: la ta'tini bi'azm wa la bi'rawtha, mais ne m'apporte pas d'os ni de crottin, les besoins des bestiaux. Pourquoi cela, cher frère? Il lui a dit: fahuma ta'amul jinn. Il lui a dit: car c'est la nourriture des djinns. Car c'est la nourriture des djinns. Donc nous avons ici deux informations quant à leur nourriture. Dans un autre hadith rapporté par At-Tirmidhi rahimahullah: la tastanju bil-rawth walal bil-idham, فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ مِنَ الْجِنِّ. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ne vous nettoyez pas après avoir fait vos besoins avec le crottin ni les os, car ce sont les provisions de vos frères parmi les djinns. Qu'est-ce qu'on entend par vos frères? Allah nous dit: innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont tous des frères. Donc ceux qui évoluent, vos frères, les croyants parmi les djinns, les monothéistes parmi les djinns. Il nous est également venu dans le recueil de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala que des djinns sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam quant à leur subsistance, et il leur a dit: lakum kullu azmin dhukira smullahi alayhi yaqa'u fi aydikum lahma. Vous avez, c'est-à-dire il vous est licite, de manger de tout os sur lequel le nom d'Allah Azza wa Jal a été mentionné et la viande qui est dessus. C'est-à-dire toi le musulman, lorsque tu sacrifies une bête et que tu la manges, les os qui restent et le reste qu'il y a, c'est la nourriture de tes frères parmi les djinns, subhanallah. Naam. C'est la nourriture de tes frères parmi les djinns. Naam. Toujours dans le recueil de l'imam Muslim, selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُنْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ. Lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il mange avec sa main droite. Et lorsqu'il boit, qu'il boit avec sa main droite. Car certes, le diable mange avec sa main gauche et boit avec sa main gauche. Selon Jabir radiallahu anhu, selon Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. Le message d'Allah sallallahu alayhi wassalam nous dit: lorsque l'homme rentre chez lui, si en entrant il mentionne le nom d'Allah, c'est-à-dire il dit Bismillah, et au moment de manger il dit Bismillah, le diable dit: vous n'avez pas de lieu de séjour ici, ni de dîner. Il dit cela à qui? Il dit cela aux shayatin, rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Plus encore, le prophète alayhi salat wa salam nous informe même de la nourriture des montures des djinns, des bêtes des djinns. Naam. disons, pas des montures, plus précisément des bêtes des djinns, des bestiaux appartenant aux djinns. Et il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que ta'amu dawabihim, que la nourriture de leurs bestiaux, c'est le crottin de nos bestiaux à nous. La nourriture des bêtes des djinns est les déchets des bestiaux des humains. Et ce hadith est dans le recueil des imams musulmans, sur Abdullah ibn Saoud, radiallahu anhuma. Le quatrième volet, tanasuluhum, ils se reproduisent, ils ont des rapports, ils commercent, il y a des mâles, il y a des femelles. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet des femmes du paradis. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Dans sourate Ar-Rahman, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens du verset, ils y trouveront, c'est-à-dire al-hur al-'ayn, au regard chaste, qu'avant aucun homme ou djinn n'aura défloré. Ces femmes du paradis seront vierges, aucun homme n'aura commercé avec elles, ni aucun djinn. C'est la preuve, les savants disent c'est la preuve, que le djinn peut avoir des rapports. Une autre preuve qu'ils se reproduisent, dans sourate Al-Kahf, Allah Azza wa Jal nous dit « Illa Iblis kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbi afatattakhidhunahu wa dhurriyatahu awliya'a min duni » Sauf Iblis, c'est-à-dire qui a refusé de se prosterner devant Adam, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour aller en dehors de moi, wahum lakum adou, alors qu'ils sont vos ennemis, bi'sa lidh-dhalimin badala, quel mauvais échange pour les injustes. Certains savants ont même mentionné l'éventualité de rapport et d'échange entre le djinn, le mâle parmi les djinns, et la femme parmi les humains. Et la femme parmi les humains, même si ça reste marginal. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il fait référence dans certains de ses ouvrages, comme c'est mentionné dans Majmou' al-Fatawa par exemple, As-Suyuti, pareillement, rahmatullahi alayhim. Et beaucoup d'histoires sont mentionnées par des savants anciens. Ceci étant dit, quoi qu'il en soit, comme le dit l'imam Malik et autres, il ne convient pas, ce genre de mariage ne convient pas, ce genre de rapport ne convient pas. Car ça pourrait ouvrir une porte à la décadence, ça pourrait ouvrir une porte à l'accusation de femmes chaste. Si la femme était enceinte, sans mari, visible, et qu'elle disait qu'elle est mariée avec un djinn, ça laisserait la suspicion très forte. Pour pas dire plus que ça. Le cinquième volet, masakinuhum, leur demeure. Où vivent-ils? Où résident-ils? Où sont-ils? Ils demeurent sur la terre d'Allah Azza wa Jal, tout comme nous. Mais il est à savoir qu'ils sont plus présents fil falawat, dans les espaces, les grandes plaines, les grandes étendues, les vastes, les endroits vastes, les étendues. Les mauvais parmi eux, beaucoup sont dans les endroits où il y a le najasat, où il y a les impuretés, les toilettes akramakumullah, les tombes. Ils sont aussi particulièrement fissouk au marché. Ils sont aussi particulièrement fissouk dans le recueil d'Imam Muslim, un hadith étonnant de Salman radiallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: La takunanna in istata'ta awwala man yadkhul as-souq. Le prophète alayhi salatu wassalam dit aux compagnons: Ne sois pas, si tu le peux, le premier à entrer au marché. Wala akhira man yakhruj minha. Ni le dernier à en sortir. Fa innaha ma'rakatu ash-shaytan. Wa biha yansibu rayatahu. C'est l'endroit où Shaitan, yani, en expression française, on aurait dit qu'il tisse, l'endroit où Shaitan tisse sa toile. L'endroit où Shaitan nuit. L'endroit où Shaitan combat les gens. Et c'est l'endroit où son étendard est érigé ou élevé. L'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala a expliqué ce hadith en disant: C'est l'endroit de guerre de Shaitan, de par la multitude de péchés et du faux qui s'y répand. Et c'est lui qui engraine les gens, c'est lui qui pousse les gens à tout cela. Comme quoi au marché, comme quoi chez les commerçants. El rish, el khida', la trahison, le mensonge, la duperie. Et Yansibura Yata, il élève son étendard, ça fait référence au fait qu'il soit vraiment ancré dans cet endroit et ses alliés se réunissent autour de lui dans cet endroit pour semer la zizanie entre les gens. Aussi, ils peuvent établir résidence dans les demeures des humains. Particulièrement lorsqu'on n'y mentionne pas le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala au moment d'y entrer et par la suite lorsqu'on ne fait pas vivre ses demeures par la lecture du Coran, par la mention d'Allah, par la et son adoration. Et vous savez tous que les shayatines et les sahara n'arrivent pas à rester ou à nuire à l'endroit où on y lit sourate al-Baqarah, particulièrement Ali Imran. Sachez qu'ils se répandent particulièrement lorsque la nuit tombe. Ils se répandent tout particulièrement lorsque la nuit tombe. Dans le recueil d'Imam Bukhari et Muslim, Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma rapporte, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Iza kana junhul layl » Junhu ay aqbala idha kana junhu al-layl aw amsaytum, donc lorsque la nuit arrive ou lorsque vous arrivez au soir, fakuffu sibyanakum, retenez vos enfants, faites-les rentrer, ne les laissez pas s'éparpiller et sortir lorsque le soleil se couche. Fa inna ash-shaytan ay jins ash-shayatin, car certes le diable, c'est-à-dire la catégorie des démons, yantashirun ou yantashiru hina id, car le diable, c'est-à-dire les shayatins, se répandent à ce moment-là. Fa idha dhahaba sa'atun min al-layl fa khalluhum, dès lors qu'un moment de la nuit s'est écoulé, vous pouvez à nouveau les laisser. Wa aghliqu al-abwab, et fermez les portes. Wa dhkuru ismallah, et mentionnez Allah, dites bismillah. Fermez les portes, dites bismillah. Fa inna shaytan la yaftahu baban mughlaqa. Car certes, le diable ne peut ouvrir une porte fermée. Le shaytan n'a pas cette capacité. Et dans un des volets, on verra que la capacité des shayatines est limitée. Contrairement aux à certaines idées reçues qu'ils peuvent tout faire ou transformer le sable en or et ainsi de suite. Non, leur capacité est bien évidemment limitée. Seul Allah est « ala kulli shayin qadir » parfaitement omnipotent. Quelle est la sagesse de cela? Pourquoi à ce moment-là précisément ils se répandent? Car ils peuvent plus faire de mal à ce moment-là. Ils sont plus en capacité la nuit, car la nuit est plus propice à faire le mal. Naam. Ceux qui vont dans les endroits sales et décadents, est-ce que ce sont des endroits qui sont ouverts la journée en général ou plutôt la nuit? Est-ce qu'ils le font au grand jour ou dans la pénombre? Dans la nuit. Les endroits comme les boîtes de nuit. On dit pas boîtes de jour. Hein? Les boîtes de nuit. Ceux qui volent, ils le font la nuit. Elle est cachée. Donc, pour faire le mal, la nuit est plus propice. Iyadhan billah. Aussi, la force diabolique se développe plus à ces heures-ci, lorsqu'il fait nuit et dans le noir. Ces annotations viennent d'Ibn Hajar rahimallahu ta'ala dans le Fath. Il nous est même parvenu en voyant ce mélange, ou bien, comment dirais-je, cette ombre, ou plutôt cette scission entre l'endroit éclairé et l'endroit ombragé. Vous comprenez vous voyez ce que je veux dire, je pense, ou j'espère. Ben, c'est un endroit où le shaitan se pose. Naam. Donc, sans nécessité, c'est détestable de rester lorsqu'il y a une partie de ton corps qui est éclairée sous le soleil et une partie de ton corps qui ne l'est pas. Car dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit de ne pas nous asseoir entre Az-Zil, l'endroit ombragé, naam, et al-dawu, yani l'endroit éclairé. Il nous dit, huwa majlisun ou majlisu shaytan, c'est l'assise du diable. C'est l'assise du diable. Le sixième point, suratuhum, à quoi ressemble-t-il? À quoi ressemble-t-il? Et nous est-il permis d'imager les shayatins, de leur donner une couleur, de leur donner un descriptif et des attributs particuliers, et de croire qu'ils sont réellement comme cela? Ce que nous savons, c'est que shayatin suratun qabiha. Ce que nous savons, et ce que nous pouvons croire et affirmer, c'est que les démons ont une apparence qui est désagréable, qui est laide, qui est repoussante. وهذا مستقر أو مستقر في الفطر. Et ceci est établi même dans la conscience de chacun. في الأذهان. Dans la conscience de chacun. Et une preuve explicite dans le Coran, dans Sourate As-Saffat, on a établi une ressemblance entre le fruit de l'arbre qui pousse en enfer, Az-Zaqoum, et la tête des diables. Et la tête des diables. Allah Azza wa Jal nous dit, innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim, tal'uha ka'annahu ru'usu ash-shayatin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est un arbre, selon la traduction d'essence du verset, c'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Ses fruits sont comme des têtes de diables. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Les savants nous disent, cette ressemblance a été établie pour montrer qu'ils sont laids, que leur apparence est laide. Comment nous mentionner une ressemblance entre deux choses et tu n'as vu ni l'une ni l'autre? N'est-ce pas étonnant? En d'autres termes, Allah Azza wa Jal te dit que il y a un arbre dont la base, subhanallah, pousse en enfer. Tabarakallah, ahsanul khaliqi. Les gens labourent, irriguent, arrosent, puis font dua pour espérer le développement de l'arbre, le développement du fruit, et ainsi de suite. Si Allah qaddar et facilite, ça sort. Dans le cas contraire, ça ne sort pas, n'est-ce pas? Et là où en enfer, Subhan al-Malik, al-Khaliq, al-Khallaq al-Alim, un arbre qui pousse de l'enfer, subhanallah, et qui sort des fruits. Ces fruits, le prophète, alayhi salatu wa salam, nous les décrit, et avant cela, Allah dans le Coran nous les décrit. Si une goutte de ce fruit tombait sur la terre, ça aurait affecté la vie des gens de la dunya. Une goutte. Allah nous dit ici, il nous parle ici de cet arbre-là, de ses fruits. Est-ce que nous avons vu cet arbre-là ou son fruit? Non. Et il établit une ressemblance avec quoi? Avec la tête des shayatines. Est-ce que nous avons vu la tête des shayatines? Non plus. Cela a amené les savants à s'interroger. Et la réponse, c'est parce que dans notre fort intérieur, c'est une évidence, c'est reconnu par tout le monde, c'est inné en chacun de nous, que l'apparence des shayatines est laide et repoussante. Et laide est repoussante. Tout comme c'est connu et en notre fort intérieur que l'apparence des anges est comment? Est splendide et magnifique. D'où l'expression « Il est beau comme un ange ». N'est-ce pas? Avons-nous déjà vu, nous, l'ange? Non. Pourtant, dans Sourate Yusuf, on nous dit quoi? « Ma hadha bashara » Ça n'est pas un humain. « In hadha illa malakun karim » Mais ça n'est qu'un noble ange. Ça n'est qu'un bel ange ou un noble ange. Du fait que c'est connu au sein de tous, la beauté des anges. On a également le hadith de Abdullah ibn Omar dans lequel l'imam Muslim sur une description particulière du diable. On voit, yani souvent, on parle de cornes. Est-ce que le diable a des cornes? Et s'il en a, combien de cornes a-t-il? Sachez qu'on a la réponse dans plusieurs hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ô combien le clivage est grand et large entre celui qui, de par son imagination, se dit que le diable a des cornes, et celui qui, suite à un hadith authentique, a pris pour conviction que le diable avait des cornes. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La taharraw bi salatikum » Toulou al-Shams, wala ghurubaha. Ne visez pas à travers votre prière de prier au moment du lever du soleil ni de son coucher. Afwan fa innaha tatlu'u bayna qarnayi shaytan. Car il se lève entre les deux cornes du diable. Car il se lève entre les deux cornes du diable. On trouve cela dans plusieurs ahadiths, dans le recueil de Bukhari, dans le recueil de Muslim également. Le sens du hadith, l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala nous dit, yuhadhiha biqarnayhi. لأن الكفار يسجدون لها عند طلوع وغروب الشمس ليكون سجود ليكون ساجدون ليكون ساجدون لها كأنهم يسجدون له. L'explication du hadith est que le diable volontairement se met à cet endroit afin que le soleil soit entre ses cornes, car des associateurs adorant le soleil, se prosterne à lui au moment de son lever, au moment de son coucher. Alors le shaitan se met face au soleil, de sorte à ce qu'il se prosterne face au soleil et en réalité, en même temps, devant lui. Devant lui. Forcément, en se prosternant devant le soleil, ils se prosterneront devant lui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en apparence, il se prosterne pour lui. La troisième chose, véritablement, la prosternation tombera sur lui. Sera vouée à lui. Pourquoi ? Le soleil est innocent de leur adoration. Il ne leur a pas commandé cela. Qui est-ce qui a commandé cette adoration ? C'est le diable. Qui est-ce qui les a poussés ? Qui est-ce qui leur a enjolivé ? C'est le diable. Donc l'adoration, en réalité, lui est vouée. Et c'est pareil pour toute adoration qui a été vouée à une créature qui ne l'a pas demandée. Et qui en est pas satisfaite. Retenez cette règle. Toute adoration qui est vouée à une créature qui ne l'a pas demandée et qui n'en est pas satisfaite, l'adoration en réalité a lieu pour le diable. Pour le diable. Bel kanu ya'budun al-jin. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous montre la discussion qui aura lieu lorsqu'on demandera aux anges au sujet de l'adoration que leur ont portée des associateurs. Ils vont se désavouer et dire qu'ils ne nous adoraient pas nous, mais ils adoraient les djinns. Ils adoraient les djinns, c'est-à-dire les mauvais parmi eux. Pourquoi ? Parce que ceux qui les ont poussés à cette adoration, c'est Shaitan. C'est Shaitan. Le huitième volet, ba'du a'malihim, certaines de leurs actions. Certaines de leurs actions. Mais avant cela, sache que ce sont des créatures parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal. Ils n'ont pas le pouvoir de créer. Ils n'ont pas le pouvoir de donner la vie, de donner la mort. Ils n'ont pas le pouvoir de ressusciter. Ils ne peuvent rien faire si ce n'est avec la volonté d'Allah et sa permission. Ils sont donc limités par définition. Si ceci est compris, mentionnons dans l'histoire de Sulayman alayhi salam certaines de leurs œuvres. قال الله قال يا أيها الملأ أيكم يأتين أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Dans sourate An-Naml, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne la demande du prophète Sulayman alayhi salam aux notables de son peuple ou à sa cour. Il dit « Ô notable, qui m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis ?» Il s'agit du peuple de la reine de Saba. Sulayman, alayhi salam, le prophète Sulayman, alayhi salam, dit à son peuple, dit au notable parmi eux, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il, donc ce peuple, ne vienne à moi soumis ?» Un djinn redoutable, ce qu'on appelle l'ifrit, un djinn redoutable dit « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Et pour cela, je suis fort et digne de confiance. » Allahu Akbar. Un ifrit, un djinn redoutable dit à Sulayman alayhi salam, au prophète Sulayman alayhi salam, « Moi, si tu le permets, je t'apporte son trône avant même que tu ne te lèves. Yani, il me faut moins de temps que ton action de te lever pour que j'aille fil Yaman, que je prenne son trône et que je te l'apporte. Et certains savants ont dit avec tous les trésors qu'il contenait. Et l'explication, yani, qawi, yani shadid, j'ai la capacité, j'ai la force, comme l'a expliqué Al-Barawi, l'a mentionné Al-Barawi dans son tafsir, et c'est la parole de Al-Farra, le grand linguiste, rahimahullah, et qawi, ala hamli, yani, j'ai la force pour le porter, pour te la porter, et amin, c'est-à-dire de confiance, pour tous les joyaux, al-jawhar, les joyaux, les perles précieuses et les richesses qu'il contenait. Naam, qu'il contenait. Et une parenthèse très légère. Naam, ce sont les deux caractéristiques de l'employé parfait. Si je puis dire. Quelles sont ces deux qualités? Al-quwwa wa al-amana. Quand je dis l'employé, c'est vaste. Il y a la personne qui va t'aider, la personne proche, l'ami, fidèle, l'employé de manière générale, celui qui va t'aider. L'employé de manière générale, plus toute personne qui t'aidera. Naam. Elle croit à la force, la capacité, mais qu'il soit amin, qu'il soit de confiance. S'il est fort, mais il n'est pas de confiance, il va te trahir. Et s'il est faible, miskin, et qu'il est de confiance, il va pas trop t'apporter. Naam. Il va pas trop t'apporter. Il est gentil, mais il est pas capable de porter, yani, la charge. Donc, on les appelait Ifrit. Qui sont-ils parmi les djinns? C'est une catégorie. Les géants parmi les djinns, les redoutables, à la force redoutable, les dotés de force redoutables parmi les djinns, ceux qui ont une capacité déconcertante de rapidité. Naam, comme on le comprend de ce passage. Donc voici une partie de leurs capacités et certaines de leurs actions. Il y a parmi eux ce qu'on appelle mustariq al-sama', ceux qui tentent de subtiliser des informations échangées dans les cieux, par les habitants des cieux. Pour plus de clarté, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle, les anges tombent et s'évanouissent. On entend comme le bruit d'une chaîne sur As-Safwan, sur la roche. Le premier à relever la tête est Jibril. Puis les anges, après lui, disent « Mada qala rabbukum ?»« Qu'a donc dit votre Seigneur ?» Et ils disent « Qalu al-haq ?» Il a dit la vérité. L'information du décret est donc mentionnée. Elle circule entre les anges. Mustariq al-sama' monte au ciel de ce bas monde et tente d'écouter les informations qui s'échangent entre les anges. Sofiane al-Thawri, si mes souvenirs sont bons, les a décrits en faisant cela de sa main. Le prophète m'a dit les uns au-dessus des autres. Sofiane al-Thawri a fait comme ça avec ses doigts. Il a entrecroisé ses doigts pour dire qu'ils se superposent les uns au-dessus des autres. Ou a montré les doigts de sa main pour dire qu'ils se superposent les uns au-dessus des autres. Donc, mustariq al-sam' sont ceux qui tentent d'espionner, qui tentent de subtiliser quelques échanges, quelques paroles, quelques informations entre eux et les anges. Ces informations sont des informations du décret, avant qu'ils surviennent. Avant l'envoi du prophète, alayhi salatu wa salam, ceci était très répandu. Mais, il y a des gardes dans les cieux, et il y a des armes qui sont lancées dans les cieux. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils traduisent des météorites ou des étoiles filantes. Naam, des étoiles filantes. Celles-ci ont pour but de lapider, entre autres, de lapider les shayatines. de détruire les shayatines qui tentent d'écouter et de subtiliser quelques informations. Depuis l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam et même juste avant, les cieux ont vraiment été gardés de manière plus stricte. Et on trouve cela dans la sourate de ce nom, Al-Jinn. Allah nous dit وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Ce dont l'essence approximative signifie nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides. Nous y prenions place, nous y prenions, donc auparavant, place pour écouter. Mais quiconque prête l'oreille maintenant, désormais, trouve contre lui un bolide aux aguets. C'est-à-dire qu'ils se font lapider par les shayatines, par les étoiles filantes. On a également dans le recueil de l'imam al-Bukhari, dans le recueil de l'imam al-Bukhari, sur Abu Hurayra radiyallahu anhu, le hadith que je vous ai mentionné, c'est-à-dire idaqad Allahu al-amru fi as-sama, lorsqu'Allah décrète l'ordre dans les cieux, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, les anges tapent avec leurs ailes, khud'anan li qawli, par signe de soumission face à sa parole. Et plus loin dans le hadith, fayasma'uha mustariqu sam'a, ceux qui essaient de subtiliser les informations parmi les djinns, écoute. Wa mustami'u sam' hakadha wahidun fawq al-akhar. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, et ils sont ainsi les uns au-dessus des autres. Fa rubba madraka shihab al-mustami' qabla an yarmi ila sahibihi fayahtariq. Tantôt l'étoile filante touche celui qui tentait d'écouter avant qu'il réussisse à transmettre l'information entendue à son compagnon, qui se trouve donc en dessous de lui. Ainsi il brûle. Wa rubbama lam yudriku hatta yarmi biha ila alladhi yalihi. Et il se peut qu'il réussisse à transmettre l'information à celui qui le suit avant d'être touché. Hatta yulquha ila al-ard, jusqu'à ce qu'il transmette cette information sur la terre. Sofiane Thawri, si je ne me trompe pas, un des rapporteurs, disait, et ils transmettent l'information aux devins. Vous savez tous que les Sahara, les sorciers, les devins travaillent avec les shayatines. Le djinni transmet l'information au devin. Le devin rajoute 100 mensonges ou 99 mensonges et il transmet cela au pauvre malheureux qui vient le consulter. Qui vient le consulter et mettre sa religion en péril. Et lorsque les gens de la vérité rendent caduques leur argument et les dévoilent, voici que le pauvre malheureux dit, mais tel jour il nous avait dit telle information qui s'est avérée véridique. Ils oublient les 100 mensonges et ils se concentrent sur la seule vérité. Comment se fait-il qu'ils ont vu juste, c'est cette information qui avait été transmise par Mustariq al-Sama. Parmi eux, certains ont été assujettis pour des œuvres au prophète Sulayman alayhi salam, suite à son invocation lorsqu'il demanda à Allah Azza wa Jal de lui donner de la royauté que nul avant lui n'a pu avoir. On a dans Suratu Saba la preuve où, mentionnons déjà, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon la traduction des sens, et à Suleyman, nous avons assujetti le vent, dont le parcours du matin équivaut à un mois, c'est-à-dire de marche, et le parcours du soir, un mois aussi, Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Et parmi les djinns, il y en a qui travaillent sous ses ordres par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux cependant déviait de notre ordre, nous lui faisions goûter un châtiment de la fournaise. Et ils exécutaient pour lui ce qu'il voulait, sanctuaire, statue, plateau, comme des bassins et marmites bien ancrés. Dans ce passage de Sourate Saba et aussi dans Sourate Sad, au Daoud, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion. Sinon, elle t'égarera du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Nous n'avons pas créé... Taïb. Ça n'est pas la référence que je voulais citer. Mais la première, c'est dans Sourate Saba. Donc on voit qu'il construisait, on le voit qu'il travaillait au service de Suleyman alayhi salam, du prophète Suleyman alayhi salam. Parmi leurs œuvres, ils ont la capacité, bi'idhnillahi azza wa jal, de changer d'apparence. At-tashkil ou tashakkul, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en français, mais de prendre une autre apparence. L'apparence animale, par exemple, l'apparence humaine, comme l'histoire célèbre de Abu Huraira, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam lui a confié la garde de la zakat de Ramadan. La garde de la zakat de Ramadan. Abu Huraira raconte cela. Bien évidemment, il a parfaitement rempli son rôle. Et chaque soir, une personne sous apparence pauvre venait et volait des denrées alimentaires. Abu Huraira l'attrapait. Il lui disait, je vais t'emmener au prophète alayhi salatu wassalam. Et lui dit, je suis pauvre, je suis dans le besoin, j'ai une famille, laisse-moi partir s'il te plaît. Il avait pitié de lui et il le laissait partir. Il raconte cela au prophète salam. Le prophète salam lui dit, il reviendra. En effet, il revient, bien évidemment. Il se passe une seconde fois la même chose. Prophète lui dit la même chose. Il se passe une troisième fois la même chose. Prophète lui dit la même chose. Mais là, Abu Huraira l'attrape et lui dit, assurément, je t'emmènerai au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, non, s'il te plaît, laisse-moi partir et je t'enseignerai une science par laquelle Allah te donnera beaucoup d'utilité. Allez, je te donnerai une science qui te sera profitable chez Allah. Alors, il lui a dit, et quelle est cette science? Et dans le hadith, on nous dit, wa kana as-sahabatu radiyallahu anhum ahras an-nas ila al-fa'ida ila al-'ilm. On nous dit que les compagnons étaient les gens les plus avides de connaissances, les gens ayant la plus haute détermination et ardeur dans la recherche de la science. Alors Abu Huraira, l'élite, l'imam des rapporteurs du hadith, lui a dit, et quelle est cette science? Naam, et quelle est cette science? Il lui dit, avant de dormir, il récite Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Fa innaka lan yazal, alayka min Allahi hafidhun, wa la yaqrabuka shaytanun. Hatta tusbih. Si tu récites cela, tu ne cesseras d'avoir de la part d'Allah une protection. Tu ne cesseras d'être sous la protection d'Allah et aucun diable ne pourra t'approcher jusqu'au matin. Abu Huraira est parti transmettre cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit Qad sadaqaka wa huwa kadhub. En effet, elle t'a dit la vérité. Bien qu'il soit un grand menteur. Sais-tu, ô Abu Huraira, qui était ton invité ces soirs passés? C'était le diable. C'était un shaytan. C'était un diable. Et il ne faut pas s'y méprendre. Certaines personnes de l'innovation en général et ignorantes, entre autres, disent, il y a ici la preuve de la permission de prendre la science de n'importe qui. Or, ici, il y a la preuve de l'acceptation de la vérité après l'avoir vérifiée. De la vérité de n'importe qui après l'avoir vérifiée. N'est-ce pas? Ici, Abu Huraira n'a aucunement pris du diable et acquiescé ses dires. Abadan. Il n'a aucunement eu comme croyant ce que l'homme lui a dit. D'accord? Ça n'était pas pour lui un diable, il ne savait pas encore. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a transmis au prophète alayhi salatu wasalam, et ça n'est qu'après l'acquiescement du prophète alayhi salatu wasalam, qu'il a pris cette information. Qu'il a pris cette information. Donc il n'y a aucune preuve pour les gens des passions, ni de l'innovation. Et de l'innovation. Au contraire, il nous est interdit de prendre la science de n'importe qui. Nous n'avons pas la permission de prendre de... Le musulman, il n'a même pas la permission de fréquenter n'importe qui. Il fait attention à ses fréquentations. Il fait attention à ses fréquentations. Que dire alors de la science prise? On tire de ce hadith que le diable ou les diables, les shayatines peuvent prendre l'apparence humaine. Tantôt ils prennent l'apparence des chameaux, tantôt ils prennent l'apparence du kelb, particulièrement le chien noir. Tantôt l'apparence du mada du al-hayyat, des serpents, de al-himar, des ânes, et ainsi de suite. Et à Médine, il y a des djinns qui se sont convertis à l'islam. Et on les trouvait dans les maisons sous apparence ou dans les... Subhanallah, je perds mon français. Dans les hayyat, dans les serpents. Naam, dans les serpents. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, comme le rapporte Abu Sa'id al-Khudri dans lequel il est musulman, « Inna bil Madina nafaran min al-jin qad aslamu. » Il y a certes à Médine un groupe de djinns qui ont embrassé l'islam. « Famin ra shay'an min hadhihi al-awamir » Ainsi, celui qui verra parmi ces serpents quelque chose, qu'il les somme de sortir durant 3 jours. Qu'il les somme de sortir durant 3 jours. C'est-à-dire, pendant 3 jours, il leur dira, par exemple, je vous demande par Allah de sortir de chez moi. Sinon, je vous ferai. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. فَإِنْ بَدَى لَهُ بَعْدْ Et si, après ces 3 jours-là, il ne cesse d'apparaître, فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ qu'il tue ce serpent car c'est un diable. Car c'est un diable. Une de leurs actions, une de l'action du shaytan, dans le recueil de Bukhari et Muslim, Anas ibn Malik nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna shaytana yajri min al insan jarya dam ou majra dam. Certes, le diable coule dans le fils de Adam, tout comme le sang coule, c'est-à-dire dans ses veines. C'est-à-dire dans ses veines. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a commenté ce hadith, ou l'autre hadith, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, a accompagné, il me semble que c'est Safiya, radiallahu anha, parmi ses épouses, qui était venue le visiter en i'tikaf, il l'a raccompagné. En chemin, il a vu 2 compagnons, qui ont accéléré le pas. Il leur a dit, ala islikum, allez doucement, inna Safiya, na'am, c'est Safiya, doucement, c'est certes Safiya, ala islikuma, c'est certes Safiya. Ils ont dit, subhanallah, ya Rasulallah. Se sont étonnés. Allez, comment on pourrait penser de toi du mal que tu es la nuit avec une femme? Bien évidemment. Bien évidemment, c'est ton épouse. Bien évidemment, c'est, tu n'es pas du tout, on ne peut suspecter de toi le moindre mal. Il leur a dit, certes, le diable coule dans les veines ou dans le fils de Adam comme le sang coule en lui. Comme le sang coule en lui, et j'ai eu peur qu'il suscite en vous un mal, que vous soyez donc par conséquent anéanti. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, me dit que ceci est à la haqiqa, c'est une réalité. C'est pas une image, lorsqu'on dit que le diable coule dans les veines du fils d'Adam. C'est pas une image, c'est une réalité. Et celui qui a permis au sang de couler dans ton corps est celui qui a permis au diable de couler dans ton corps. Et le tout est facile pour Allah tabaraka wa ta'ala. J'ai dépassé la parole d'Ibn Baz. Au début, c'était la parole d'Ibn Baz, puis mes mots. Passons maintenant à une autre question qui revient fréquemment. Hal Iblis, minal malaika, donc le huitième point, est-ce que Iblis, comment ? Le neuvième point ? Vous êtes sûr ? C'est le huitième point plutôt. Non. Nul autre que Shaitan nous a fait nous tromper. Donc, le huitième point, est-ce que Iblis fait partie des anges ou non ? Est-ce que Iblis fait partie des anges ou non ? Les savants ont divergé à ce sujet. Beaucoup de savants ont et avaient pour avis que Iblis fait partie des anges. Se basant sur la parole d'Allah Azza wa Jal, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Dans Surat al-Baqarah, lorsque nous dîmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se sont tous immédiatement prosternés, sauf Iblis, Abba, qui refusa. وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ. Et la base, lorsque tu dis ils ont tous fait cela sauf un tel, ça signifie que un tel fait partie de la même catégorie de cette généralité, n'est-ce pas ? Celui dont on a fait de lui l'exception fait partie du groupe à la base. Voici leur avis et voici leur argument. Néanmoins, l'avis prépondérant chez beaucoup de nos grands savants est de dire que Iblis ne fait pas partie des anges, mais de l'espèce de El-Jinn. De l'espèce de El-Jinn. Il fait partie des djinn. Pour preuve, dans Suratul Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Dans Suratul Kahf, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis, quel mauvais échange pour les injustes. Dans ce verset, il y a plusieurs preuves qui nous démontrent que Iblis n'est pas un ange, mais que c'est plutôt un djinn. Premièrement, on nous le mentionne explicitement. Kana min al-djinn. Il était du nombre des djinns. Qui était du nombre des djinns. Ça, c'est la première preuve. Deuxièmement, fa-fasaqa an amir rabbi. Wal-fisq lughatan wal-khuruj. Ani ta'a. Fa-fasaqa an amir rabbi. C'est-à-dire, il est sorti de l'obéissance de son Seigneur. Et vous savez tous que les anges ne sont pas sujets à la désobéissance. N'est-ce pas? Allah nous dit, la ya'asuna Allah ma amarahum. Wa yaf'aluna ma yumarun. Ils ne désobéient jamais Allah en ce qu'il leur commande et ils font strictement ce qu'il leur commande. Et là, on nous dit qu'il a désobéi à l'ordre de son Seigneur. Ça n'est donc pas un ange. Troisièmement, on nous informe qu'il a une descendance. On nous informe qu'il a une descendance. Et les anges ne sont pas sujets à ce domaine-là. et on nous parle d'ennemis, d'inimitié. Et les anges sont les ennemis ou les alliés? Hein? Des croyants. Dans Sourate Fussilat, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nous sommes vos alliés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Parmi les preuves, il y a également le fait que Iblis soit créé de quoi? Le fait que les anges plutôt soient créés de quoi? De lumière, comme nous l'avons mentionné tantôt dans le hadith authentique. Et Iblis a été créé de quoi? De feu. Et son racisme l'avait poussé à tenter de discriminer Adam et l'a poussé au fanatisme sur sa matière. Et qu'est-ce qu'il apprenait comme excuse? Quelle matière? Le feu. Or, les anges sont créés d'eux? De lumière. Dans Sourate Al-A'raf, Allah nous dit خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ. Donc lorsqu'il relate l'histoire de l'ordre à Iblis de se prosterner avec les anges, tu m'as créé de feu et tu l'as créé lui de terre. Or les anges, comme vous le savez, sont créés de lumière, comme c'est rapporté dans le recueil des musulmans, et ce sont les djinns qui ont été créés min marijin min nar. Une autre preuve. Ils se reproduisent, comme on l'a mentionné. Une autre preuve. Les shayatins, les démons mangent. Et les anges ne sont pas sujets à cela. Et on a cité le hadith d'Abdullah ibn Omar, lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il mange avec sa main droite, et lorsqu'il boit, qu'il boit avec sa main droite, car le diable mange et boit avec sa main gauche. Lorsque la personne rentre chez elle, si elle dit Bismillah, le diable dit à ses suppôts, vous n'avez pas de lieu de séjour ici. Lorsqu'il mange, il dit Bismillah, le diable dit à ses suppôts, vous n'avez pas de dîner ici. Et reste une chose. Si tu veux argumenter et démontrer que c'est il fait partie de l'espèce des djinns et il ne fait pas partie de l'espèce des anges. Après avoir amené la preuve que c'est un djinn. Mais d'autres ont apporté leur preuve que c'est un ange. Tu dois maintenant répondre à cet argument. Pour répondre à cet argument, les anges ont dit. Les savants. Naam. Pour répondre à cet argument, les savants ont dit. Quant au verset, Allah subhanahu wa ta'ala wajjaha al-amr ila Iblis bisujoudi li Adam li'annahu kana ma'a al-malaika la min al-malaika. Allah azza wa jal a dirigé son ordre également à Iblis pour qu'il se prosterne devant Adam, car il était avec les anges. Et non pas car il faisait partie de l'espèce des anges. Est-ce que c'est clair? Il vivait avec eux. Allah l'avait honoré. Auparavant, Iblis était pieux, subhanallah. Il adorait Allah Azza wa Jal, seul son associé. Allah l'a donc honoré, l'a élevé à la place des anges. Les habitants des cieux. Les serviteurs proches d'Allah Azza wa Jal. Donc, lorsqu'il a ordonné cela aux anges, l'ordre s'est dirigé également à lui, car il vivait avec eux, il était avec eux. Non pas qu'il faisait partie des leurs de par son espèce. Voici la réponse mentionnée par les ulama, rahimahumullah wa hafidhahum. Le neuvième volet, mal ilaqatu bayna iblis, idhan, wal jinn. Quel est donc le lien et le rapport entre Iblis et les djinns? Entre autres, il y a deux paroles chez les savants. La première est de dire « Wa abul djinn ». « Wa abul djinn ». C'est le père des djinns, tout comme Adam est le père des humains. Et ça c'est la vie de Atta, c'est la vie de Hassan al-Basri, c'est la vie d'Ibn Taymiyyah, la vie d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, parmi les contemporains également, la vie d'Ibn Baz rahimahullah, et de beaucoup, beaucoup de ça. Le deuxième avis est de dire que c'est un djinn, mais ça n'est pas leur base. Comme Adam est la base des humains et le père des humains. Na'am, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Le dixième point pour finir. Quelle est la sagesse de la création des djinns? Quelle est la sagesse de la création des djinns? Dans Surat al-Dhariyat, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas de ma subsistance ni qu'ils me nourrissent. Mais c'est plutôt Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Dans ce verset, de ce verset, les savants ont tiré que tout comme nous, les humains, les djinns, ont été créés pour adorer Allah Azza wa Jal et l'unifier seul d'un culte sincère. Ce sont des créatures d'Allah. Ils n'ont pas le pouvoir d'élever ni de rabaisser la créature. Ils n'ont pas le pouvoir de faire entrer ni de faire sortir du paradis. Ils n'ont pas le pouvoir de soigner. Ce sont des créatures tout comme tu es une créature. Tu dois donc croire en ce qui t'a été mentionné dans les textes. Tu dois l'adopter en tant que croyance. Mais tu ne dois pas exagérer à leur sujet au point de leur porter des actions et des pouvoirs qui ne sont pas en leur capacité. Seul Allah tabaraka wa ta'ala est le maître et la seule divinité digne d'être adorée. Et c'est cela que nous espérons faire jusqu'à notre dernier souffle, adorer Allah Azza wa Jal seul, sans jamais rien lui associer. Wa sallallahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. La suite, incha'Allah ta'ala, aura lieu la semaine prochaine, ou même dans les soirs à venir, lorsqu'Allah Azza wa Jal le facilitera, probablement mercredi après Al-Maghrib. Probablement mercredi, Mada, une heure après Al-Maghrib. Vous regarderez, Inch'Allah, sur le site La Voix Droite, ça sera annoncé.